je vais pas l'étaler. Trop de frères entre l'addition et salé. Je t'aime mais tu prends la confiance, ça y est. Shit en plaquette, faut les détailler. J'ai écrit son mental, je les appelle cahier. Descendre de flics, on s'est tous taillés. Je commence ce soir à 4h, j'ai pas le temps de bailler. J'ai bu de flots, j'ai la tête ailleurs. Quand bus ouvre ta porte à la MacGyver. Les petits ont les crocs, ils refrappent le slider. Sur l'autoroute zigzag à la Ghost Rider. J'suis tellement zoné, j'connais tous les chemins. J'm'entraîne à cabrer en levant les deux mains. J'arrive le soir au sud, j'fonce qu'au lendemain. Au beau mètre, voilà où la gratte te mène. Je cours dans la tête, les flics qui crient arrêtez-vous. J'en ai plein la tête, ma gueule sur le grand-père, ça me rend fou. Faut que j'évacue, j'fasse mon tour. J'connais les cachettes en bas des tours. Rabaisser mes potes, j'suis pas là pour. J'suis fier, j'ai besoin de dégâts. Et même des fois, j'parle seul. Chez moi, ça parle de gagner les mines, je marcelle. J'suis fier, j'ai besoin de dégâts. Et même des fois, j'parle seul. Chez moi, ça parle de gagner les mines. Mon peu de nain, nain, nain, mal à tube, le le le le be et alcool, le le le le be et alcool, le le le le. Et dans ma tête ça tourne là, me calcule pas, je fais le sourd. Je sais ce que ça dit sur moi qui est vraiment là pour moi. Rien et moi, prince du Kosso, j'arrive, y'a c'est. Mais qui j'ai rien sur mon corps, obligé de me faire un crédit. Les yeux qui pétillent, la larme aux yeux. Et j'oublie pas les bonhommes aux yeux. J'ai grandi, appelle-moi monsieur. Je suis aigri et souvent soucieux. Pour toi, this is how we do. J'suis au studio, Kaku et Amido. Tu as vu nos têtes, on fait pas du dos. Si jamais quand tu râles le rideau, je me sac quand j'suis vitant. J'pose avec, je suis dans les temps. J'me sens à l'aise comme mon guidon. Sur le tour, j'm'entraîne jusqu'à Berlitan. J'suis fier, j'ai besoin de dégâts. Même des fois, j'parle seul. Chez moi, ça parle de gagner les mines, je marcelle. J'suis fier, j'ai besoin de dégâts. Même des fois, j'parle seul. Chez moi, ça parle de gagner les mines.